Chapitre 10e. Le soir, quand Paul arriva chez son amie, il ne la trouva pas, comme à l'ordinaire, installée dans le petit fauteuil bas d'où elle le regardait entrer, souriante, attendant paresseusement sa première caresse. Montée sur un escabeau, elle se donnait un mal infini pour disposer une draperie dont elle prétendait essayer l'effet. Dans ce travail qui n'avait rien de pressant, la jeune femme, ouvrière peu zélée d'habitude, semblait complètement absorbée. Paul, très amateur de travaux semblables en sa qualité d'artiste, s'empressa de poser son chapeau, fit apporter une échelle, demanda des outils. En un quart d'heure, avec des soins minutieux, sans épargner ses peines, il eut terminé l'œuvre commencée par Nadia. Tout en plantant les derniers clous, il lui disait « Je me figure que nous sommes mariés et que j'installe notre ménage. » En descendant de son échelle, il faillit mettre le pied sur une forme humaine agenouillée, presque prosternée, sanglotant tout bas, la tête dans ses mains. « Nadia !» s'écria-t-il, voulant la prendre dans ses bras. « Au nom du ciel, qu'avez-vous ? » Elle le repoussa doucement, et son désespoir éclata avec une violence effrayante. Tout son être était secoué par une crise auprès de laquelle ce que Paul avait vu jusque-là n'était rien. Elle essayait de parler, mais de longues plaintes déchirantes à entendre sortait seul de sa bouche. Mon chéri, mon bien-aimé, cher soutien de ma vie, dit-elle enfin, pour quelle malheureuse créature vous prenez tant de peine? Elle fixait sur lui ses yeux ruisselants de larmes. Elle lui parlait les mains jointes, portant sur ses traits égarés l'expression d'une désolation complète. Chérency lui-même, pâle comme un mort, le cœur serré par un pressentiment funeste, l'écoute avec angoisse, n'osant plus à cette heure s'approcher d'elle. Avec une exaltation de langage qui montrait son trouble, elle continua. « Mon beau jardin fleuri, je vous ai dévasté de mes propres mains. J'ai foulé aux pieds vos belles roses, tout est détruit. Ma pauvre maison, rebâtie sur le solide rocher, est en ruine. Et maintenant il me faut errer au hasard, comme une mendiante sans abri. Paul, Paul, je vous ai perdu. Pourquoi, auparavant, ne suis-je pas morte ?» Elle ne pleurait plus. Ses yeux dilatés, secs, brillaient ainsi que les yeux d'une folle. Chérency, pour parler, dut s'y reprendre à deux fois, tant sa gorge était serrée. Enfin, il réussit à faire entendre cette simple question. « Monsieur de Roquesservière est de retour ?» Elle devina l'autre interrogation, celle que le gentilhomme, respectueux de la femme jusqu'au bout, épargnait généreusement à son oreille. D'un bond, elle se releva. « Sur l'âme de ma mère, » cria-t-elle en lui prenant les mains, « je n'ai pas fait l'horrible chose que je lis dans votre pensée. »« Eh bien, alors, » demanda-t-il, ne comprenant plus rien à tout ce qu'il voyait. Elle retomba sur ses genoux et de nouveau fit entendre ses gémissements qui ne formaient qu'une longue plainte. « Mais grand Dieu, parlez donc, » dit Paul, « vous vous tuez et moi en même temps. »« Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, » gémit-elle, « je n'y comprends rien moi-même. » il venait, oh Paul, pourquoi? Dès le premier jour, ne m'avez-vous pas ordonné de lui fermer ma porte? » Chérency garda le silence. Il ne pouvait rien dire avant de savoir tout. « Il y a 15 jours, continua-t-elle, cet homme est parti tout d'un coup. Il souffrait trop de n'obtenir de moi aucune espérance. Il m'aimait trop et voulait essayer de me fuir. Il vous aimait trop, vous le croyez, pauvre sotte? Je ne suis plus qu'une sotte, reprit-elle humblement. Je suis la dernière des insensés, mon cher Paul. Je vous aime autant que mon cœur est capable d'aimer. Vous ne me croiriez pas si je vous disais avec quelle joie j'ai appris le départ de cet être fatal. Depuis 15 jours, vous êtes bon, dévoué, tendre pour moi. Pas meilleur, pas plus dévoué, pas plus tendre que depuis 4 ans. Si vous me parlez de ces 4 ans, mon pauvre ami, jamais je ne viendrai à bout de ce que j'ai à vous dire. Hier, celui que je ne nommerai plus jamais reparut subitement. Je ne l'attendais pas. Surtout, mon Dieu, je ne le désirais pas. Il m'a surprise, effrayée, domptée, j'ai perdu la tête. Et je lui ai dit ce qu'il souhaitait entendre. Que vous l'aimiez. » dit Paul, dont la voix enrouée s'entendit à peine. Par un mouvement accablé de sa personne entière, Nadia fit signe que oui. Alors, Chérency, d'un pas très calme, s'approcha de la table où il avait posé son chapeau et le prit pour sortir. il eut presque un sourire de pitié sur lui-même en voyant l'échelle, le marteau, les clous. Il leva la tête vers la draperie qu'il venait d'arranger avec tant de zèle pour éviter une fatigue à la femme aimée. Un autre, désormais, lui rendrait ses services. « Quand vous la regarderez, » dit-il, en levant la main vers l'étoffe, « vous penserez à moi ?» Ce fut la seule parole amère que Nadia devait entendre de cet homme étrangement fort. Déjà, sans diriger les yeux sur elle, il marchait du côté de la porte. Nadia, toujours à genoux, tournait sur place à mesure qu'il s'éloignait pour le voir jusqu'au bout. « Je penserai à vous, » disait-elle d'une voix douce comme un chant, « jusqu'à la dernière minute de ma vie. Chacun des coins de cette chambre m'y fera penser, Paul. Écoutez ma dernière parole. Vous savez bien que je ne mens jamais. Je vous aime. Et souvenez-vous toujours d'une chose. En ne vous avouant en rien, en étant moins franche, je vous aurais gardé. « C'est vrai, » fit-il en s'arrêtant sur le seuil. « Aussi, je vous estime. Vous étiez libre, d'ailleurs. Vous ne teniez à moi que par les liens... Je tenais à vous, par tous les liens qui peuvent enchaîner le cœur et le corps d'une pauvre femme. En ce moment, je vous aime comme je ne vous ai jamais aimé. Quant à lui, je le hais. Il m'a perdu, car sans vous, je suis perdu, et vous le savez bien. Emportez cette vengeance. Qu'elle vous console, si quelquefois vous avez besoin d'être consolé. Qui sait ? Dit Paul, la main crispée sur la serrure. Pourquoi ne seriez-vous pas très heureuse avec lui ? Oh, mon bien-aimé, ne soyez pas cruel. Je vous aimais mieux tout à l'heure quand vous partiez sans rien dire, Paul. Dieu sait quelle triste créature je puis être un jour. Mais il y a un homme entre tous qui n'aura jamais rien de moi. Cet homme, c'est lui. Comment pourrais-je lui pardonner l'heure que nous venons de passer l'un et l'autre ? En ce moment, Chérency, levant les yeux sur Nadia, s'aperçut qu'elle allait défaillir. Ah, pauvre petite ! S'écria-t-il en accourant, ne soyez pas malade. Une fois encore, elle appuya sa tête sur le cœur où elle avait reposé si souvent. Elle murmurait comme dans un rêve, non, il ne faut pas être malade. Personne ne me soignerait. Personne ne me soignera plus. Cher, vous souvient-il de ma dernière maladie? Ce n'était pas bien grave et pourtant vous avez voulu me veiller. Moi, je vous ai laissé faire, pour le plaisir de vous garder toute une nuit à mon chevet, me regardant avec vos grands yeux bons, comme pendant cette autre nuit, la première, celle où nous avons voyagé ensemble. Paul, vaincu, sentit s'enfuir toute sa force, toute sa dignité, tout son orgueil. « Écoute, » fit-il en la serrant dans ses bras, « peut-être que nous pouvons être heureux encore, partons. Il ne faut pas que tu restes ici. » Ta santé ne résisterait pas à l'épreuve. Demain, je t'emmène bien loin. Puisque tu dis n'avoir fait qu'un mauvais rêve, et je te jure que je le crois, tout peut s'effacer, un cauchemar s'oublie. Tu ferais cela ? S'écria-t-elle, toute tremblante. Tu ferais cela ? Il y a au monde un homme capable de ce prodige. Je t'en supplie, calme-toi. N'exalte pas si haut mon mérite. Nadia, tu m'es nécessaire. Ma vie sans toi serait brisée. Ton amour est tout pour moi. N'est-ce pas, trésor unique de mon cœur, tu pourras m'aimer encore? Si je vous aimerais, mon roi, mon Dieu, mais je ne vous ai pas encore aimé jusqu'ici. C'est maintenant que vous allez voir où peut aller l'adoration, le dévouement, la reconnaissance humble et passionnée d'une âme humaine. Hélas, moi, je n'ai rien à vous pardonner, mais vous, aurez-vous la force d'oublier? Cet héroïsme dont vous vous enivrez aujourd'hui, ne vous paraîtra-t-il point, dans une semaine, dans un mois, l'aveuglement le plus stupide ? Nadia désirait trop se sentir convaincue pour ne pas l'être bientôt. Paul, afin de la distraire de l'émotion qui la rendait encore chancelante, parla sur l'heure des préparatifs de leur départ et du but de leur voyage. Toutefois, ils avaient l'un et l'autre trop besoin de repos et de calme pour rien décider ce soir-là. D'ailleurs, l'essentiel était de partir. Mais avant de s'éloigner pour longtemps, Chérency devait nécessairement passer quelques heures en province pour régler une affaire pressante. « 2 jours, sans nous voir ?» soupira la jeune femme. « Paul, vous n'aurez pas trop de 2 jours pour faire vos mal. Faites-les très grosses. Nous irons très loin, et Dieu sait quand nous reviendrons. il faut qu'après-demain je vous trouve prête à monter en voiture. » Il était debout, la main sur la serrure, et cependant il ne sortait pas, tournant dans sa tête une dernière chose qu'il avait à dire, une chose pénible, en jugée par la ride qui lui coupait le front. « Il ne faudrait pas, » prononça-t-il enfin, « que cet homme revint à vous troubler. Ne feriez-vous pas bien? Ne serait-il pas digne de vous et de moi de lui écrire que vous serez absent pour longtemps? Vous craignez pour moi sa visite ?» répondit-elle avec une sorte d'enthousiasme ardent. « Ah, comme vous comprenez peu le besoin qui remplit mon âme. Oui, j'ai besoin de le voir, de lui parler en face, de lui reprendre, comme un gage donné dans un moment de folie, ces paroles qu'un sortilège m'a arrachées, de lui dire que je ne l'aime pas, que je ne l'aimerai jamais. Je ne me sentirais pas digne d'être encore à vous si d'abord je ne m'étais reconquise. » Paul avait envie de répondre que pour une femme, la plus mauvaise retraite vaut mieux que le plus intrépide combat. Mais il se tut, voyant les éclairs qui brillaient dans les yeux de cette guerrière. Peut-être aussi éprouvait-il quelque douceur à se figurer par avance la déconvenue de l'invincible marquis. Il rentra chez lui, et le lendemain, de grand matin, il se mit en route pour sa terre de la Beauce. Il croyait à son retour ne faire que toucher barre et repartir le soir même avec Nadia. Mais il trouva sur sa table une lettre qui changeait ses projets. C'était Madame Fresnel qui lui écrivait. « Il est venu, et je lui ai dit tout ce que je comptais lui dire. Mais j'aurais été trop puni si tout s'était terminé avec cette aisance. J'ai affaire à un homme tenace, et par-dessus tout pétri d'orgueil. Il peut tolérer, paraît-il, qu'une femme ne l'aime pas. Mais la pensée que cette femme le repousse au profit d'un autre le rend blême. En somme, il m'a fait peur, pas pour moi. J'ai compris qu'il va m'épier, autrement dit, nous découvrir. Cher, mon honneur vous est plus précieux que votre vie. Votre vie est mon seul bien ici-bas. Il s'agissait de garantir l'un et l'autre. Pour quelque temps, je me suis sacrifié. » Monsieur de R était à peine remonté dans sa voiture que j'avais sonné ma femme de chambre et commencé mes malles. Dans 2 heures, je vais partir, et je vous jure qu'à la minute où je vous écris, je ne sais pas encore de quel côté se dirigera ma fuite, car il faut bien vous avouer que votre pauvre Nadia sent sa tête un peu troublée. 20 tours de roue d'un wagon sur une ligne quelconque la remettront. Demain matin, en prenant pied, je vous dirai où je suis, où il faut m'écrire. Mais, mon ami, vous ne viendrez pas. Vous resterez à Paris. On vous verra partout. Vous aurez l'air le plus heureux du monde. Il le faut, car vous serez épié, suivi. En venant me rejoindre plus tôt qu'il n'est prudent, vous pourriez tout perdre. Paul, soyez bon, miséricordieux, patient. Pardonnez-moi ce trouble nouveau et passager que je jette dans votre vie. Vous m'avez pardonné bien autre chose. Mettez-vous à la place d'une femme encore toute tremblante et soyez fort, vous qui êtes un homme. Ayez confiance dans l'avenir et dans mon amour, qui est sans borne comme il sera sans fin. À demain une lettre. À bientôt vous, c'est-à-dire le bonheur et le terme de l'épreuve. Ô Dieu, comme elle me paraît déjà longue !» Gérancy lut 2 fois cette lettre et fit de son mieux pour la juger froidement. D'une part, sa fierté se hérissait à la pensée que Nadia prenait la fuite pour ne pas l'exposer lui-même à la mauvaise humeur de Roxervière. De l'autre, il était bien forcé de s'avouer qu'il s'agissait en cette occasion d'autre chose que d'un coup d'épée à donner ou à recevoir. La réputation d'une femme était en jeu. Il se résigna, d'assez mauvaise grâce, peut-être, mais après tout, l'amour, la loyauté, le dévouement éclataient dans chacune des lignes qu'il venait de lire. D'ailleurs, il n'avait pas le choix de la conduite à garder puisqu'il était en face d'un fait accompli. Enfin, c'était l'affaire de quelques jours et dès le lendemain, il en saurait davantage. La journée lui parut longue. Suivant les conseils dont il ne pouvait méconnaître la sagesse, il se montra un peu partout, aux acacias dans l'après-midi, à son cercle où il dîna, au cirque où il aperçut tout Paris sauf Roxervière. Le jour suivant fut la copie de celui qui l'avait précédé. L'aurore du surlendemain trouva Paul éveillé attendant la lettre de Nadia, mais le courrier le laissa les mains vides. 24 heures après, il n'était pas plus avancé. Pour la première fois depuis 4 ans, la femme qu'il avait aimée jetait le trouble dans sa vie, ainsi qu'elle-même le disait. 4 ans de calme, traversée seulement par les inégalités d'une nature inquiète et nerveuse. Mais, depuis 4 jours, comme il payait chèrement cette longue tranquillité, incapable de se maîtriser plus longtemps, il se présenta chez Madame Fresnel. Le concierge, fort étonné de cette ignorance chez un homme qu'il avait de bonnes raisons pour croire mieux informé, répondit en ouvrant de grands yeux « Mais monsieur, madame est parti mercredi soir. » Paul eut le courage, dégradant à ses propres yeux, de questionner cet homme qui savait son secret et devinait sa torture. « Madame n'a pas laissé son adresse. Madame n'a rien dit. » Paul avait l'air si déconcerté que le concierge eut pitié de lui. « Dieu vous garde d'exciter jamais la commisération d'un concierge. » Seulement, ajouta l'homme au cordon presque à voix basse, madame s'est fait conduire à la gare Montparnasse. Gérancy s'enfuit, rouge de confusion, comme s'il eût emporté une aumône. À cette heure, il en voulait cruellement à celle qui le soumettait à ses abanis. Avec le besoin instinctif de faire tomber sa colère sur quelqu'un, il commit la folie de se présenter chez le marquis. Heureusement, il ne trouva pas Roquesservière. « Monsieur le marquis est-il à Paris ? » questionna-t-il. Cette fois, il s'adressait à un interlocuteur femelle, qui lui donna, sans se faire prier, les plus obligeants détails. On n'avait pas revu Roquesservière depuis le mercredi soir. Mais le lendemain, dans la matinée, le valet de chambre du marquis avait reçu un télégramme, et peu d'heures après, il avait été rejoindre son maître, en portant une valise d'un certain volume. Quant au lieu de la destination, Gérancy ne put rien apprendre. « Monsieur Dominique et moi, nous ne parlons pas, » dit la concierge en pinçant les lèvres. « C'est un personnage en dessous et déplaisant, qui se croit supérieur à tout le monde parce qu'il est l'homme de confiance de son maître. Je sais seulement qu'il s'est fait conduire à la gare Montparnasse. » Paul s'enfuit, plutôt qu'il ne s'éloigna, oubliant dans son trouble de jeter un louis à l'ennemi de monsieur Dominique. Il rentra chez lui pour se reconnaître au milieu de la crise qui déconcertait sa vie, depuis longtemps si paisible, et s'asseyant devant sa table, ses gants encore aux mains, son chapeau sur la tête, et il regarda dans le vide sombre qui s'ouvrait inopinément devant lui. Dans une situation analogue, le premier cri qui s'échappe du cœur d'une femme est celui-ci « Il ne m'aime donc plus ». Paul se demanda, comme tout autre homme se le fût demandé à sa place, « Ai-je donc été sa dupe ?» Tout d'abord, il repoussa l'idée d'une mystification vulgaire, inutile autant qu'odieuse. Madame Fresnel, en supposant qu'elle se fût donnée à Roquesservière ou qu'elle eut l'intention de lui céder, n'avait pas besoin d'employer tant de mystères et tant de ruses. 3 jours plus tôt, Gérancy avait le pied sur le seuil de sa porte. Elle n'avait qu'à le laisser partir. Avec les larmes plus ou moins sincères qui sont en pareil cas, la dernière politesse d'une femme bien élevée envers l'amant qu'elle quitte. Gérancy lui avait fait la partie belle. Aucun bruit, pas de désespoir pouvant éveiller la pitié, nulle menace envers personne. D'ailleurs, cette créature exaltée et vibrante, qui venait de donner un nouvel exemple de la fragilité féminine, s'était montrée en même temps telle qu'il l'avait toujours connue, c'est-à-dire la plus loyale des femmes, et la plus aimante aussi, pauvre Nadia. Certains gestes, certains soupirs, certains éclats de douleur ne trompent pas. Non, Roquesservière n'était pas avec elle. Mais alors où donc était-il? À la même heure, le même jour, ils avaient disparu dans la même direction, sans laisser de traces. Tous les raisonnements, toute la confiance du monde étaient impuissants à détruire cet irrécusable argument de fait. Dans l'occasion, le moins qu'on pût faire était de soupçonner. Soupçonner, oh honte! Vivre face à face avec l'image grimaçante et voilée de son propre ridicule, se montrer injuste dans le mépris ou grotesque dans l'estime, dévorer sa souffrance dans l'inaction et l'immobilité, ou se donner 1000 fatigues et 1000 peines pour entendre un jour l'exclamation de 2 fugitifs découverts dans l'abri de leur ivresse. Gérancy se leva, secouant ses épaules sous le poids insupportable qui les meurtrissait, et sans prendre parti entre l'accusation et la défense, il renvoya la cause au lendemain, comptant sur les heures à venir pour amener l'évidence. « Demain soir, je partirai, » décida-t-il, « si je n'ai rien appris de nouveau. » Le délai passé, il s'en accorda un autre d'égale durée. Puis, n'ayant reçu aucune lettre et s'étant assuré que l'absence de Roxervière continuait, il quitta Paris, emportant au fond de son cœur ce dégoût de soi-même et de la vie qui succède aux grandes déceptions.